Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Mauger pour le podcast, j'allais dire tant attendu, peut-être pas, en tout cas tant promis, ça c'est sûr. Sur la nature, c'est un cours, j'allais dire intéressant. Je trouve qu'il est intéressant, un peu compliqué à certains moments, mais normalement ça devrait aller. Vous avez aussi une version écrite que vous pouvez consulter, et du coup j'espère qu'avec ces deux formats, en les associant, en s'aidant de l'un et de l'autre, vous allez pouvoir vous en sortir. Et vous pouvez bien sûr me poser toutes les questions qui vous viendraient en tête par mail si besoin, ou en classe si on se croise avant les échéances qui nous incombent à tous et à toutes. Mais voilà, j'espère que ça va aller. On va commencer directement avec, comme d'habitude, des petites définitions pour ensuite aller aux problèmes et après aux différentes parties de ce cours. Mais si on commence par ce qu'on fait d'habitude, le mot nature, on le retrouve dans plein d'expressions du quotidien. Mère nature, c'est ma nature, yaourt nature, randonnée dans la nature, et déjà dans tous ces exemples, il y a plein de sens différents du mot nature. Généralement, on en isole trois. Soit c'est nature au sens de toutes les choses que l'être humain n'a pas créées, tout ce qui est donné, inné, et qui n'a pas été acquis ou construit. Vous verrez dans le cours, c'est du coup l'ensemble des choses vivantes et physiques qui existent sans que l'être humain les ait créées ou transformées. C'est ce que on désigne quand on parle des lois de la nature ou quand on dit qu'on va randonner dans la nature. Ça, c'est le premier sens du mot nature, le sens A dans le cours. Le sens B, c'est nature avec un N majuscule, c'est un ordre du monde selon certaines croyances. Quand on dit mère nature ou la nature ne fait rien en vain, avec un N majuscule, du coup. Là, on suppose que c'est pas juste les choses que l'être humain n'a pas créées ou qu'il n'a pas transformées, c'est aussi une façon de fonctionner propre à la nature qui n'est pas non plus le fait de l'humanité. Ce serait presque une sorte de, oui, de volonté propre à la nature qui se gère toute seule. Il y aurait un ordre des choses, un cosmos, une façon dont l'univers fonctionne et qui n'est pas le fait des humains. Ça, ce serait le sens B, du coup, dans le cours. Et le dernier sens. Pas très compliqué, c'est nature au sens de essence, la nature de quelque chose. Il est dans ma nature de nanana, la nature du lion et de chasser, etc. On remplace nature par essence, c'est le sens C de nature dans le cours, et celui-ci n'est pas très compliqué à comprendre, on l'emploie déjà au quotidien. Et donc là, on pourrait se dire, bon bah super, c'est pas si compliqué que ça, ce qui est inné est naturel, ce qui est acquis est culturel. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais en philo, du coup, l'inverse de nature, ce qui est donné, ce qui n'a pas été fait par les êtres humains, on désigne ça sous le terme de culture. Donc le mot culture en philo est beaucoup plus général que dans le langage courant. Culturel, c'est tout ce qui a été créé, tout ce qui a été acquis, donc transformé par les êtres humains. Et on peut ensuite faire toutes les oppositions qu'on veut entre biologique et social. Et vous verrez dans le cours, il y a plein d'autres exemples et adjectifs qui s'opposent que j'ai mis. Et on se dit, bon bah tranquille, c'est pas si compliqué finalement le concept de nature. Mais si on voulait par exemple savoir ce que c'est la nature de l'être humain, au sens C, au sens de l'essence, essentiel accidentel, c'est un repère qu'on a déjà vu ensemble et que j'ai remis dans le cours. Tout de suite, ça deviendrait plus compliqué parce que la distinction entre ce qui est inné et ce qui est acquis, chez vous et chez moi, elle est très fine et très nuancée et tout est un peu mélangé. Prenez par exemple l'exemple de la démarche, de la façon dont on marche, dont on parle, dont on salue quelqu'un. C'est un mélange d'inné et d'acquis parce que marcher, c'est naturel au sens où c'est instinctif, c'est normal, c'est pas quelque chose qui est hors de notre essence d'être humain, mais c'est influencé par notre culture, par notre genre, par les chaussures qu'on porte, etc., etc. Et du coup, c'est un bon exemple qui cristallise le problème du fait que tout ce qui est naturel est à la fois mélangé à la culture. Et là, je prends l'exemple de l'être humain, mais si on veut montrer à quel point nature et culture sont tout le temps liés, on peut prendre l'exemple de d'une forêt, d'un jardin. Si vous regardez un arbre autour de vous, par la fenêtre, est-ce qu'il est entièrement naturel? Sûrement pas, parce que les politiques de la ville dans laquelle vous êtes l'ont laissé pousser ici, peut-être qu'il a été taillé, Peut-être que c'est un type d'arbre qui a été importé, qui a été transformé au fil du temps par l'exposition au paysage humain et à l'intervention humaine. Vous comprenez, autant chez nous que autour de nous, que nature et culture, c'est jamais aussi binaire comme opposition que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Et si toujours on essayait de savoir ce qui était essentiel, naturel chez l'être humain pour définir ce que c'est la nature humaine, on pourrait aussi regarder les caractéristiques qui sont universelles. C'est un autre repère qu'on a déjà utilisé dans le cours et que j'ai remis dans la version papier. Mais là, si on se contentait des caractéristiques universelles de l'être humain, on aurait une définition de l'espèce humaine, une définition biologique que vous avez peut-être déjà vu en SVT, où il y aurait la capacité à se déplacer de façon bipède, je sais pas si ça se dit, sur deux jambes quoi, le pouce opposable, etc. etc. Mais philosophiquement, ça ne nous dirait pas grand-chose sur ce que c'est, ce que ça fait d'être un humain. Et du coup, ce serait satisfaisant biologiquement, mais peut-être pas philosophiquement. Et il y aurait des questions qui se poseraient, des problèmes qui arriveraient, qu'on a déjà évoqué avec l'exemple de la démarche, qui continueraient d'être là quand même, entre nature et culture. Donc, il faut creuser un peu plus, et c'est là le gros problème de ce cours, c'est comment est-ce qu'on distingue nature et culture, comment est-ce qu'on fait pour différencier la nature de la culture, autant chez les individus, chez les êtres humains, que même dans la façon dont nous, on pense la nature, parce que généralement, l'être humain, pour se définir, il s'oppose à la nature. Les humains sont comme ça, les animaux sont comme ça, ou bien ça c'est typiquement humain, ça c'est typiquement naturel. Mais, on l'a déjà un peu évoqué, on va le voir encore plus après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et la façon dont on pense la nature a beaucoup évolué, et pose toujours problème, peu importe le modèle qu'on choisit d'utiliser pour dire ça c'est naturel, ça c'est culturel. Il y a toujours des questions qui restent en suspens et qui doivent être assumées en tant que contradictions, ou bien on essaie de les dépasser et de trouver un modèle qui nous correspond, comme toujours en philo. La problématisation, du coup, qui est dans la version papier, vous la voyez, je l'ai déjà un peu faite, même si c'est rapidement, je vais lire ce que j'ai écrit pour que ceux qui font seulement l'écoute du podcast puissent suivre. Le problème, du coup, c'est, de fait, nous avons l'impression d'occuper une place particulière au sein de la nature, en tant qu'être humain. Cette impression a une double origine. Nos expériences immédiates individuelles, notre perspective sur les humains et le reste de la nature, car nous sentons ce que cela fait d'être un membre de l'espèce humaine, et on ne sent pas à l'inverse ce que cela fait à une chauve-souris d'être une chauve-souris. Notre perspective sur le monde fait que on sait ce que c'est d'être humain, on ne sait pas ce que c'est le reste. Du coup, on se dit, ce qui n'est pas humain, c'est ce qui n'est pas moi, c'est ce qui n'est pas comme moi. Mais c'est peut-être un peu biaisé comme vision de la nature et de nous. Et deuxièmement, ce qui fait aussi partie du problème, c'est qu'on constate des comportements qui nous semblent, de notre point de vue, un peu biaisés du coup, être uniquement humains. Par exemple, on est en train de lire un cours de philo ou d'écouter un podcast de philo, et ça, les autres animaux ne le font pas, notre chat ne pourrait pas le faire. Donc, on a l'impression d'être spéciaux, d'être différents de la nature, d'avoir une place particulière en tant qu'être humain, mais comment est-ce qu'on peut être certain de cette spécificité humaine, du fait qu'on soit différent de la nature et qu'on ait pu, du coup, créer la culture, puisque par définition, la culture, c'est tout ce que les humains ont créé, et tout ce qui n'est pas donné, et donc pas naturel. Comment est-ce qu'on peut savoir, et être certain qu'on a raison, de penser ce qu'on pense, et de penser que les humains sont différents des autres êtres naturels, alors que, on n'a que notre point de vue à nous, en tant qu'être humain. On est immergé dans la culture, par définition, c'est opposé à la nature, et pourtant, ça apparaît être comme un élément différenciant de l'espèce humaine par rapport aux autres, mais c'est peut-être aussi ce qui nous fait penser la nature avec des œillères, avec un point de vue hyper spécifique qui nous empêche de nous rendre compte et de prendre du recul sur ce que c'est peut-être vraiment la nature, prise comme elle est et pas prise comme on la voit. Dès lors, quelle est la nature de l'être humain ? C'est la problématique, au sens C. Est-ce qu'on a une place unique et spéciale dans la nature au sens B, avec un N majuscule ? Et si oui, si on a une place spéciale dans l'ordre du monde, comment est-ce qu'on le comprend, sachant qu'on en fait partie quand même? Du coup, comment on peut être un peu différent et en même temps dedans? L'idée, en gros, si je reformule un peu au cas où, puisque l'être humain crée de la culture, sa vision de la nature est culturelle. Sa vision de lui-même est culturelle. Sa vision de ce qui est naturel est culturelle. Donc comment on sait ce qui est naturel ou ce qui est culturel? Puisque tout est influencé par la culture, et qu'en même temps, on est aussi partie intégrante de la nature. Vous voyez, c'est compliqué, c'est simple, mais compliqué. Voilà. Et maintenant, on va commencer la première partie du cours. Alors, on va commencer la première grande partie, c'est la plus compliquée, je pense, de ce cours. Mais justement, on commence par le plus dur parce qu'on a encore un peu d'énergie, on peut encore se poser et comprendre les petites subtilités. Et si on comprend ça, le reste découlera, je pense, beaucoup plus logiquement et facilement. Ce qu'il faut qu'on commence par examiner, c'est ce qu'on entend par nature et comment est-ce qu'on pense la nature en Occident. Parce qu'il y a eu un gros changement. Je vous l'ai déjà dit, et bah je vous le redis du coup, de la fin de l'Antiquité grecque, en gros, donc moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ, jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, le boss, dans quasiment tout, c'était Aristote. Il y avait deux choses qui comptaient en Europe, c'était Aristote et la Bible. Et pendant très longtemps, on a essayé de mélanger les deux avec peu de succès. Mais du coup, on va commencer par voir la vision de la nature qui a prédominé en Occident pendant 1500 ans et qui était une vision inspirée de la théorie d'Aristote et qui est une vision finaliste de la nature, qui s'oppose totalement à la vision scientifique moderne que nous on a aujourd'hui de la nature, de la matière, de ce qui n'est pas humain. Le mot finaliste, il ne faut pas le comprendre comme fin, ça ne veut pas dire conclusion en philo. Fin, ça veut dire objectif. Pensez à la phrase « la fin justifie les moyens » dans le langage courant. Fin, dans ce sens-là, c'est objectif, ce qu'on vise. Eh bien, en philo, c'est pareil, le mot fin, finalité, il désigne un objectif. Je vous ai mis le petit repère dans le cours, la version papier, mais il faut retenir ça. Et du coup, la vision finaliste aristotélicienne, donc Aristote, de la nature, elle est concentrée, centrée autour de la notion d'objectif. Parce que là, on entend la nature à la fois au sens A, tout ce que l'être humain n'a pas créé, mais aussi au sens B, nature avec un N majuscule. C'est les deux en même temps. Ça veut dire que tout ce qui est naturel, ça n'a pas été créé, et aussi, ça fonctionne tout seul selon ses propres règles, sans qu'on y touche même. Je vais lire une des citations d'Aristote que j'ai mis dans le cours. Ouvrez les guillemets, « La nature, dans son sens primitif et fondamental, c'est l'essence des êtres qui ont, en eux-mêmes et en tant que tels, leur principe de mouvement. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, du coup, comme je vous l'ai dit, Aristote, il mélange les deux sens de nature qu'on a vus, le sens A et le sens B. Le sens A parce que on n'a pas créé les êtres naturels et qu'ils sont là. Le sens B parce que, à cause de la seconde partie de la citation, ils ont en eux-mêmes et en tant que tels leur principe de mouvement. Alors, ça fait un peu peur, mais pensez par exemple à une horloge. Si les aiguilles de l'horloge tournent, c'est parce que l'être humain a construit et mis dans le cadran de l'horloge un mécanisme. Ça veut dire que l'horloge ne contient pas en elle-même son principe de mouvement. Si les aiguilles tournent, c'est parce que quelqu'un a créé un mécanisme et ensuite l'a mis dans l'horloge. Donc l'horloge, elle a un principe de mouvement externe à elle. Alors que une plante, un arbre, une fleur, sans qu'on fasse rien, ils vont pousser, grandir, changer. Ils contiennent en eux leur principe de mouvement. Aristote, pour bien penser ça, il utilise un repère qu'on a peut-être déjà vu avec certains ou certaines, c'est en acte, en puissance. En puissance, ça veut juste dire qui peut se réaliser, qui a le potentiel de se réaliser. En acte, c'est qui se réalise. Ça veut dire que le bourgeon, il contient en puissance la fleur. Et du coup, quand le bourgeon se transforme, il actualise sa puissance, son potentiel. On passe de la puissance à l'acte. Et en faisant tout ça, lorsque c'est le printemps et que les bourgeons éclosent, ils ne font que suivre leur principe de mouvement interne. Et ça veut dire, tout ça, d'après Aristote, hein, toujours, que la nature, elle est à la fois tout ce que l'être humain n'a pas créé, mais aussi le sens B, à savoir, elle a un ordre directeur, elle a des objectifs internes que personne n'a fixés et qu'elle suit toute seule comme une grande, puisqu'elle n'a pas besoin qu'un mécanicien vienne mettre... un mécanisme dans les plantes et les arbres pour qu'ils poussent d'une certaine façon. Ça se fait tout seul. Donc ça, c'est la vision finaliste de la nature. On pourrait résumer cette idée un peu grossièrement en disant que, d'après Aristote, entre guillemets, la nature ne fait rien en vain. La nature avec un N majuscule. Si les plantes poussent, si les pierres tombent, si l'eau coule, si les humains vieillissent, pensent, parlent, alors que les autres animaux, non, tout ça a une raison d'être. Rien n'arrive par hasard et gratuitement, tout est inclus dans l'ordre des choses, du monde. La nature ne fait rien d'inutile et puisque toutes les choses naturelles contiennent en elles-mêmes leurs principes de mouvement, tout ce qui se passe et la façon dont on vieillit, dont les plantes poussent, etc., ne fait que suivre les règles de la nature. Ce qui n'est plus du tout la façon dont on pense aujourd'hui, on va en reparler juste après, au XXIe siècle, et avec une vision mécaniste du monde qui s'intéresse à ce qui se passe avant, c'est-à-dire les causes, à ce qui provoque, à ce qui produit, mais pas du tout aux finalités, à ce pourquoi les choses arrivent. Parce qu'on suppose aujourd'hui que la nature n'a plus de N majuscule, qu'il n'y a plus d'ordre du monde, qu'il n'y a plus, comme disaient Aristote et les Grecs, de cosmos, d'harmonie, d'ordre de la nature. Aujourd'hui, en science, on considère que la nature, c'est de la matière. Point. On va en parler juste après. Donc c'est un changement radical qui s'opère au XVIIe siècle avec Newton, Descartes, Galilée, Kepler, plein de scientifiques qui retournent un peu la vision qu'on avait jusqu'ici de la nature. La seule exception à tout ce que je dis, évidemment, c'est dans le cadre de la croyance religieuse, de la foi, où si on croit que Dieu a créé le monde, eh bien, il y a encore une vision finaliste du monde qui n'est pas la même qu'Aristote, parce que pour Aristote, il n'y a pas besoin de penser à un créateur de la nature se gère toute seule. Encore une fois, pensez au concept de cosmos, on l'emploie plus trop aujourd'hui, mais chez les Grecs et à l'Antiquité, il y a vraiment un ordre de l'univers où tout est régi, tout a son propre principe de mouvement, tout obéit à des règles internes, et du coup, il suffit de laisser les choses se faire et elles ont un sens, elles ont une direction. Il y a un ordre à tout ça. Le mot cosmos, il a donné par exemple le terme cosmétique pour les produits cosmétiques, parce que dans le cosmos, il y a de la beauté, il y a de l'harmonie, tout est bien rangé. Encore une fois, la nature ne fait rien en vain, ne fait rien inutilement. Si on est croyant, il y a aussi une vision finaliste du monde, parce que la volonté de Dieu, Dieu ce n'est pas la nature, c'est le créateur de la nature, il met sa volonté dans les choses naturelles. Donc elles suivent le plan divin, même si Dieu et la nature sont deux choses différentes, puisque Dieu est transcendant, il dépasse le monde, il est en dehors du monde. Dans les théories monothéistes principales. Là, il y a le petit cas particulier pour les élèves avec qui je l'ai vu de Spinoza et des stoïciens, où Dieu et la nature, c'est la même chose, où il y a une vision finaliste du monde, mais où Dieu, il n'est pas séparé de la nature, mais c'est un détail. C'est pour essayer de ranger les pièces du puzzle qu'on a déjà évoquées avec certains certaines. Si ça vous dit rien, les STI, c'est normal. Si ça vous dit rien, les généraux, c'est pas normal. Et du coup, maintenant qu'on a étudié la vision finaliste du monde, on va pouvoir s'intéresser à comment on pense la nature maintenant, au XXIe siècle, après 400 ans, depuis les philosophes et les scientifiques qui ont renversé un peu notre vision de la nature, parce que ça a bien changé. Maintenant, on oppose la vision finaliste d'Aristote ou religieuse du monde à la vision mécaniste, scientifique. Pourquoi mécaniste ? On va l'expliquer avec le petit texte de Descartes que je vais vous lire et qui est dans le cours aussi. Je lis du coup, ouvrez les guillemets, « Sachez donc, premièrement, que par la nature, je n'entends point ici quelque déesse ou quelque autre sorte de puissance imaginaire, mais que je me sers de ce mot pour signifier la matière, même en tant que je la considère, avec toutes les qualités que je lui ai attribuées comprises tout ensemble, et sous cette condition, que Dieu continue de la conserver en la même façon qu'il l'a créée. » Là, c'est la révolution. Vous voyez, alors dans le texte, il y a « nature » avec un N majuscule, et il parle de Dieu, je sais, et pourtant, il nous dit que la nature, ce n'est que de la matière, qu'il n'y a pas de principe de mouvement, que ce n'est pas une déesse, qu'elle n'a pas de qualité interne. Elle ne fait juste qu'être là, inerte, simplement de la matière et rien d'autre. Il parle de Dieu, je rentre pas dans les détails, mais pour se prémunir des problèmes qu'il pourrait avoir avec l'Église, mais Dieu, il sert à rien là dans l'histoire. Il fait juste que créer la matière et la laisser comme elle est. C'est tout. La matière, elle ne vit plus par des principes qui sont en elle, comme la plante devient l'arbre. Est-ce que les plantes deviennent des arbres ? Bon, vous avez compris. Il n'y a plus de passage de l'acte à la puissance, etc. Il n'y a plus de principe de mouvement interne. On revient là à ce que vous connaissez. La nature, c'est de la matière, c'est tout. Elle est modifiée par les lois de la nature qui dirigent tous les mécanismes, mais les petits bouts du mécanisme en eux-mêmes, ils ne bougent pas tout seuls. Là, c'est la physique de Newton. Il n'y a que des forces, de la cinétique, du mouvement qui entraîne du mouvement par impulsion, du mouvement qui se propage, les frictions de l'air ou l'oxygène qui peuvent modifier la matière en l'abîmant. Les objets naturels, en tant que tels, ne se transforment pas eux-mêmes par des principes, par des règles qu'ils auraient en eux. J'ajoute à ce que je dis là une autre citation d'un texte qui est aussi dans le cours de Johannes Kepler, un scientifique du XVIIe siècle, comme Descartes, qui lui a réussi à calculer l'ellipse des planètes. Ouvrez les guillemets. « Je suis très occupé par la recherche des causes physiques. Mon but dans ce domaine est de montrer que la machine céleste ne doit pas être comparée à un organisme divin, mais plutôt à un mouvement d'horlogerie. Pour autant que presque tous ces multiples mouvements sont accomplis grâce à une force magnétique unique et assez simple. Ainsi, dans le cas du mouvement d'horlogerie, tous les mouvements sont causés par un simple poids. De plus, je démontre comment cette conception physique de l'univers doit être exprimée sous forme mathématique et géométrique. » Vous voyez, là, il y a un divorce clair et net avec ce que disait Aristote, la nature ne contient plus en elle-même son principe interne de mouvement, tout est comparé à une machine, un mécanisme d'horlogerie, parce que il y a un rouage, il y a un mécanisme global dont on peut deviner les règles, et c'est le but de la physique, mais chaque pièce n'a pas son propre mécanisme. Et à la même époque, vous avez Galilée, scientifique très connu aussi, qui dit que la nature est écrite dans le langage mathématique. Donc là, on arrive à la science moderne que vous connaissez, qui demande à ce qu'on comprenne et explique les lois de la nature, mais les lois de la nature, c'est les lois qui gouvernent la nature en entier, et la nature, pas au sens B, seulement au sens A. Le sens B, il disparaît totalement, il n'y en a plus. Il n'y a plus de cosmos, il n'y a plus qu'un flipper newtonien de physique que vous connaissez, avec des trajectoires, des vecteurs, de la dynamique, qui permet à la matière inerte de bouger, de transformer, avec la friction de l'air, l'oxygène, l'oxydation, blablabla. J'ai que trois mots de science, vous avez remarqué, hein. Et tout ça, on peut l'expliquer, on peut le comprendre grâce aux causes et pas à la finalité, puisque la nature n'a pas d'objectif, puisqu'elle est inerte, elle n'est pas un principe moteur. C'est simplement des corps, et c'est tout. Et là, du coup, on oppose bien vision finaliste et vision mécaniste, et ça change radicalement, vous vous en doutez, le rapport qu'on peut avoir à la nature. C'est ce qu'on voit dans le texte de Kant que je vais lire, et qui résume bien le changement de perspective et le changement dans le rapport à la nature des êtres humains, qui s'opère à partir de ce XVIIe siècle, à partir de la vision mécaniste et très scientifique et moderne de la nature. Ouvrez les guillemets, la raison devrait forcer la nature à répondre à ces questions, mais non pas se laisser guider uniquement par elle, pour ainsi dire, à la laisse. Car sinon, des observations menées au hasard, faites sans nul plan projeté d'avance, ne convergent aucunement de façon cohérente vers une loi nécessaire, que pourtant la raison recherche et dont elle a besoin. La raison doit s'adresser à la nature en tenant d'une main ses principes, en vertu desquels seulement des phénomènes concordants peuvent avoir valeur de loi, et de l'autre main, l'expérimentation qu'elle a conçue d'après ses principes. Certes, pour recevoir les enseignements de la nature, non pas toutefois à la façon d'un écolier qui se laisse dire tout ce que veut le maître, mais comme un juge dans l'exercice de ses fonctions, qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur soumet. C'est un extrait de la Critique de la raison pure du XVIIIe siècle. Kant, c'est un auteur qu'on a déjà lu avec toutes les classes. Et là, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que d'après lui, on passe, en abandonnant le finalisme et la vision d'un cosmos, de la position d'écolier à la position de juge. Parce qu'en effet, si la nature a un ordre interne, il suffit de s'y intéresser aux objets naturels, de les observer et de comprendre comment ils fonctionnent, pour éventuellement, si on le souhaite, limiter ou en tout cas en apprendre plus sur la nature. Il n'y aurait qu'à l'observer et à voir comment on passe de la puissance à l'acte ou comment le mouvement interne de chaque chose se développe, pour ensuite le cataloguer et en tirer des conclusions. Alors que si la nature n'est pas un cosmos, n'est que de la matière inerte, régie par des lois de la nature générale de tout le mécanisme, mais pas de chaque objet en particulier, ce qu'il faut faire pour comprendre comment fonctionne la nature, c'est de la science, et c'est ce que décrit Kant pour les STI avec qui on a fait la méthode scientifique, vous pourrez peut-être reconnaître un peu les étapes. Il faut que la raison qui a déduit des lois cherche à les retrouver dans chaque situation qu'elle veut observer. Et ça implique de beaucoup plus manipuler les objets naturels, comme un juge pose des questions aux témoins en ayant déjà une idée en tête de ce qu'il veut prouver. Donc, rien que cette première partie, qui je sais doit être un peu aride, ou qui peut sembler un peu fastidieuse à écouter parce qu'on parle de choses un peu compliquées, c'est la partie la plus compliquée du cours, hein. Je vous l'avais dit, elle souligne à quel point un changement radical de rapport au monde et à la nature, au sens large, peut arriver en fonction de si on considère que la nature a un principe de mouvement interne, est un cosmos, a une harmonie ou non. Et en tout cas, ce changement, il a été fait en Occident au XVIIe siècle, avec l'arrivée, comme je l'ai dit, de plein de scientifiques que j'ai cités. La seule petite nuance à tout ce que je viens de dire, et vous pourrez lire dans le cours, parce que je vais essayer de pas trop ajouter d'informations à la version audio, c'est la théorie de l'évolution de Darwin, où là, pour le coup, les organismes vivants, ils ont une finalité interne, c'est de survivre et de s'adapter à leur environnement. Au cas où, je le dis, parce que j'aime bien le rappeler quand même, il ne s'agit pas que le plus fort survive chez Darwin, mais le plus adapté à son environnement. Et du coup, effectivement, l'évolution des espèces serait le fruit d'une finalité interne des organismes vivants, mais une finalité qui n'est pas cosmique, qui n'est pas l'ordre de l'univers et comment les choses ont fonctionné. C'est juste, en tant qu'individu vivant, je vais plus survivre si je suis le plus adapté. Donc c'est une petite nuance, parce qu'on retrouve un tout petit peu de finalité, mais elle est très biologique, propre à chaque espèce, et plus du tout aussi générale et large que ça pouvait l'être dans la vision d'Aristote et la vision finaliste. Puisque là, c'est simplement de l'adaptation à son milieu. Avec tout ça, on a fini le grand 1 de ce cours. Peut-être l'heure de faire une petite pause, de réécouter si besoin, de lire le cours en version papier si on veut rentrer les choses. Et on se retrouve juste après pour le grand 2. Sur Radio Mogé pour ce podcast sur la nature, où là, après avoir vu deux façons opposées et successives historiquement de penser la nature, l'une finaliste, l'autre mécaniste, l'une qui s'intéresse à un ordre, à un cosmos, à une façon dont l'univers serait régi de façon interne et qui du coup impliquerait que la nature ait des objectifs qu'elle cherche à atteindre, et l'autre qui, au contraire, suppose que la matière n'est inerte et n'est seulement que mue, bougée par des forces externes, la gravité, etc., la cinétique et tout, sans qu'il y ait de finalité interne à chaque être naturel. Une fois qu'on a vu ça, ce passage de l'une à l'autre historique, on va pouvoir utiliser ce qu'on sait pour regarder comment ça change le rapport à la nature. Et en commençant par lire un peu plus attentivement, parce que dans la première partie, on a lu des textes, mais assez vite, parce que c'était plus des exemples qui nous permettaient de comprendre le passage de un rapport à la nature finaliste à un rapport à la nature moderne, mécaniste. Là, on va étudier un peu plus un texte d'Aristote, assez connu. Vous avez peut-être déjà entendu des bouts de phrases de ce texte, puisqu'il définit la nature humaine. Et c'est ça le grand 2, j'aurais peut-être dû commencer par là. Le grand 2 s'intéresse à la question de savoir s'il y a une nature humaine. Parce que la question de la nature humaine, de l'essence de l'être humain, elle est très importante, très compliquée. Elle nous concerne tous et toutes. Et elle repose évidemment sur l'image, le modèle, sur notre façon de penser la nature en général. Du coup, on va commencer à lire le texte d'Aristote qui essaie de définir, lui, la nature humaine. Ouvrez les guillemets. « La cité est au nombre des réalités qui existent naturellement et l'homme est par nature un animal politique. Et celui qui est sans cité, naturellement et non par suite des circonstances, est ou un être dégradé ou au-dessus de l'humanité. Il est comparable à l'homme traité ignominieusement par Homère de « sans famille, sans loi, sans foyer ». Car en même temps que naturellement apatride, il est aussi un brandon de discorde et on peut le comparer à une pièce isolée au jeu de Trictrac. » Ça, c'est le premier paragraphe. On va s'arrêter là quelques instants. La première phrase du texte, c'est la thèse que défend Aristote dans ce texte. La cité est au nombre des réalités qui existent naturellement et l'homme est par nature un animal politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah déjà, ça s'oppose, pour celles et ceux qui s'en souviennent, et j'espère que c'est mes trois classes, ça s'oppose à Hobbes, le philosophe politique qu'on a déjà travaillé dans l'année, puisque là, il nous dit que par nature, la cité en grec, ça implique... un regroupement de personnes libres et qui volontairement restent ensemble. Le mot grec, c'est polis, d'où aussi le politique. La cité, du coup, elle existe naturellement. Pourquoi ? Parce que l'homme, son essence, elle est politique. Ça veut dire quoi ? Que l'essence de l'homme est politique ? On va le voir dans le second paragraphe. Là, du coup, il tire une conséquence de sa thèse, de son affirmation première, qu'il va ensuite justifier. Sa conséquence, c'est que si quelqu'un, un être humain, existait, vivait sans cité, pas parce qu'il a été banni, mais parce qu'il est né sans cité, il ne serait pas un être humain, du coup. Il serait ou bien un sous-humain, une bête, ou bien un surhumain, un dieu. Dans tous les cas, il ne serait pas adapté à la vie en cité, parce qu'il n'aurait pas toute... aujourd'hui, on dirait la socialisation, Aristote, évidemment, n'a pas ce mot-là, mais il n'aurait pas un pan essentiel pour Aristote, indispensable de ce qui fait un être humain. Et du coup, une fois qu'il a affirmé ça et qu'il a tiré la conclusion qui s'impose, si l'homme est un animal politique, alors quelqu'un, un homme qui ne serait pas dans une cité, ne serait pas un être humain, il va expliquer comment et pourquoi est-ce qu'il dit que l'homme est un animal politique. Je lis du coup le second paragraphe, ouvrez les guillemets. Mais que l'homme soit un animal politique à un plus haut degré qu'une abeille quelconque ou tout autre animal vivant à l'état grégaire, cela est évident. La nature, en effet, selon nous, ne fait rien en vain. Et l'homme seul de tous les animaux possède la parole. Or, tandis que la voix ne sert qu'à indiquer la joie et la peine, et appartient aux animaux également, car leur nature va jusqu'à éprouver des sensations de plaisir et de douleur, et à se les signifier les uns aux autres, le discours sert à exprimer l'utile et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste, car c'est le caractère propre à l'homme par rapport aux autres animaux, d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales. Et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité. Là, on a un mot important qui est celui de discours. Parce qu'Aristote, il oppose parole à voix. La voix, c'est seulement la transmission de douleur ou de plaisir. Par exemple, un cri quand on a mal, ou un cri de joie quand on recroise un ami. Il dit que ça, les animaux l'ont aussi, parce que les animaux sont doués de sensations, ils sont des êtres sensibles, ils peuvent avoir mal ou être contents, et du coup se communiquer entre eux ce genre de sentiments. D'après Aristote, les êtres humains ont plus que ça, ils n'ont pas seulement une voix, ils ont la parole. Et la parole, c'est lié au discours. Et là, il faut revenir un peu au mot grec, parce que discours, en grec, ça, c'est la traduction française, discours, c'est la traduction française, du mot grec logos. C'est un mot très important. Logos, c'est celui que vous avez dans tous les mots en français qui finissent par logie, géologie, j'ai que ça en tête, numérologie, bref. Logos, ça veut dire à la fois discours, raison et langage. Enfin, c'est très très dur à traduire. C'est une notion qu'il est mieux d'utiliser en grec, je pense. Logos, ça veut dire en gros le discours au sens raisonnement. On a vu dans l'année le repère intuitif, discursif, si vous vous souvenez. Intuitif, c'est quand ça nous vient comme ça, que c'est immédiat et qu'on a une intuition, on comprend quelque chose. Discursif, c'est quand ça se fait par l'intermédiaire d'un raisonnement. Et justement, là, c'est pas le discours comme un homme politique qui ferait un discours, c'est le discours au sens du raisonnement bien ordonné, d'une parole qui est construite et qui est raisonnable, qui du coup montre que la personne qui parle réfléchit et a organisé sa pensée. C'est ça le logos, c'est tout ça à la fois. C'est pour ça que c'est dur à traduire, c'est le discours, c'est la raison, c'est le discours ordonné. C'est même aussi un peu, si on veut rentrer dans les détails, la grammaire du coup, parce que la syntaxe et la grammaire, c'est ça qui construit les phrases et qui font qu'on ne fait pas que crier, contrairement aux animaux si on suit Aristote. Et d'après Aristote, pourquoi est-ce que l'homme est un animal politique ? Parce qu'il est le seul être naturel à disposer du logos, à être capable de pas seulement exprimer la joie et la douleur, des sensations, mais aussi le juste et l'injuste. Et on retrouve la phrase d'Aristote, la nature ne fait rien en vain. On retrouve l'argument finaliste. Ça veut dire, si on suit Aristote, et c'est très différent de notre façon de penser moderne, mais il faut suivre son raisonnement, l'être humain est le seul être naturel à avoir le logos, à ne pas seulement communiquer joie et peine, il peut aussi communiquer le juste et l'injuste, le bien, le mal, puisque la nature ne fait rien en vain, il y a bien une raison qui fait qu'on est les seuls à pouvoir faire ça, c'est parce que la nature de l'être humain, notre essence, suppose qu'on vive ensemble et qu'on fasse cité. À la fin, il dit que la communauté des discours forme la cité et la famille, puisqu'on est plusieurs êtres à disposer du logos et à être capable d'exprimer le juste, l'injuste, le bien, le mal, on peut se mettre d'accord, s'organiser selon des règles et donc être politique. Donc en fait, l'homme est un animal politique, ça implique qu'on s'organise, mais cette organisation, elle suppose déjà qu'on soit capable de s'organiser et donc qu'on dispose du logos. Et c'est parce qu'on est les seuls dans la nature, d'après Aristote, à être capable de faire ça, que c'est notre essence et qu'on est supposé le faire, parce que c'est ça, être humain, d'après Aristote, c'est être un animal politique. Le raisonnement finaliste est surprenant pour nous. Mais je ne pense pas, si vous y réfléchissez un peu, que la conclusion d'Aristote soit très étonnante. Si vous réfléchissez, vous, de votre côté, à ce qui distingue l'être humain de l'animal, et ça rejoint un peu des textes qu'on a pu lire en début d'année sur la notion de liberté, avec, je crois que c'était saint Thomas d'Aquin, mais je suis plus sûr, avec l'idée que l'être humain dispose de la raison et qu'il n'est pas limité à l'instinct, on en arrive à peu près à la même conclusion. Et saint Thomas d'Aquin, il écrit au Moyen-Âge, hein, c'est 500-600 ans après Aristote. Mais c'est une idée qui a resté, et on va même voir un texte de Rousseau, 18e siècle, Les Lumières, qui dit à peu près la même chose, mais sans l'argument finaliste, mais pendant très longtemps en tout cas, et jusqu'à encore aujourd'hui, je pense, vous comme moi, si on nous demande, on pourrait dire que c'est la raison qui distingue l'être humain de l'animal. Aristote, ce qui est intéressant pour ce qu'on dit nous, c'est que sa façon de penser la nature lui permet ensuite de justifier la place de l'être humain dans la nature. L'être humain serait de façon innée un être qui est capable de créer de la culture. L'être humain, par nature, a les armes, a les outils, a les facultés, a le logos, et peut donc s'éloigner de la nature. Et puisque c'est le seul qui peut le faire, c'est ce qu'il définit. C'est son essence, c'est sa nature. Aristote, donc, il nous dit que l'être humain est naturellement culturel, grosso modo, que l'homme est un animal politique. Et cette idée-là, on va la retrouver dans le texte qui est juste après, qui est celui de Rousseau, que je vais vous lire, qui dit à peu près la même chose, mais qui le fait sans utiliser le finalisme, parce que Rousseau, c'est un auteur du XVIIIe siècle. Entre-temps, il y a eu la révolution dont on a parlé dans le premier mouvement de secours, mais on arrive quand même à la même idée, qu'il faut une séparation nette entre l'être humain et l'animal, entre la nature et nous, et que cette séparation, elle se fait grâce à notre côté rationnel, grâce à la raison, grâce au discours, grâce au fait qu'on puisse organiser notre pensée, et que l'on ait l'impression que les animaux ne puissent pas le faire. Et là, on est en plein dans la problématique qu'on a lue au tout début du cours. Je vais donc lire le texte de Rousseau. Mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation. C'est la faculté de se perfectionner, faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres et réside parmi nous tant dans l'espèce que dans l'individu, au lieu qu'un animal est, au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de 1000 ans, ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans. Pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile? N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif et que, tandis que la bête, qui n'a rien acquis et qui n'a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct, l'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même? Alors, plein de choses dans ce texte. On pourrait se dire à première vue, bon bah pourquoi est-ce que Mauger nous fait lire deux textes qui disent la même chose? Parce qu'ils ne le disent pas pareil et que c'est très important. Aristote, si on se met dans ses chaussures et qu'on se remet il y a 2000 ans, plus même, et qu'on considère que la nature a des buts qu'elle cherche à atteindre au sein de chaque être vivant, on comprend pourquoi l'idée que si nous sommes les seuls à pouvoir communiquer comme on le fait, à faire des cours de philo, à se mettre d'accord sur des lois, etc., à vivre en communauté, ça doit vouloir dire que c'est ce qu'on est censé faire et qu'on est différent du reste de la nature. Mais si au XVIIIe siècle, l'argument de Rousseau ne repose plus sur ça. Encore une fois, la matière, la nature, c'est devenu de la matière inerte dans l'esprit de tout le monde, avec l'apogée de la science, de Newton, de la physique, etc., de tout ce que vous voyez en cours sur ça. Si on arrive quand même à la même conclusion, alors même qu'il n'y a plus le finalisme, et que ici, le seul argument, non pas que ce soit mauvais hein, comme argumentation, mais la seule preuve, ce sur quoi ça repose, c'est la raison humaine. Mais encore une fois, dans des contextes historiques très différents. Pourtant, on garde toujours le même argument, la même preuve qui serait les êtres humains sont raisonnables, pas la nature. Donc les êtres humains sont différents de la nature parce que là, pour ce que dit Rousseau, la perfectibilité, ça veut dire qu'on est capable, nous, de se perfectionner. Ça veut pas dire qu'on devient de plus en plus apte, qu'on est meilleur à chaque fois. Ça veut dire qu'on est juste capable d'acquérir des connaissances et de se les transmettre, de se transmettre du savoir. Effectivement, l'histoire humaine nous montre qu'on arrive à faire des avancées techniques et ensuite à se les transmettre, et du coup à s'appuyer sur ce qui a été fait avant pour continuer le chemin, que ce soit dans toutes les sciences auxquelles vous pouvez penser, et tous les progrès que vous pouvez penser. Mais justement, l'idée de progrès, elle est remise en question par Rousseau dans son texte même, parce que si vous lisez et vous relisez, vous voyez qu'il parle du fait que ça peut aussi nous laisser devenir idiots, puisque beaucoup de ce qu'on a est acquis et pas inné, contrairement aux animaux qui n'ont que l'instinct et qui du coup ne bougent plus, nous on peut gagner et on peut perdre aussi. Donc la perfectibilité, il faut faire attention, c'est pas juste devenir de mieux en mieux, c'est pas une courbe ascendante seulement, c'est une courbe qui fluctue. Alors que si on suit Rousseau, les animaux qui font partie de la nature, eux restent stables tout le temps parce qu'ils sont collés à leur instinct, ils n'ont que de l'inné, ils n'ont pas d'acquis. Ce qui distingue êtres humains et animaux chez Rousseau, c'est la capacité à acquérir, c'est l'acquis. C'est du coup, je disais, très intéressant et surprenant qu'on en reste au même point alors même que la vision du monde et le rapport au monde changent entièrement. On n'est plus finaliste, on est devenu mécaniste, la nature c'est une matière inerte et pourtant on a toujours à écouter les philosophes et même nous, je pense qu'on est un peu dans la même team que Rousseau ou qu'Aristote. Si on y réfléchit et qu'on nous demande ce que c'est la nature humaine ou ce qui nous distingue des animaux, on dirait sûrement la même chose qu'eux. Mais c'est fou qu'on dise toujours la même chose, alors même qu'on a totalement renversé la façon de voir le monde. Et c'est là qu'on arrive peut-être à un point important du cours et au problème tel qu'il se pose et tel que je l'ai posé dans la problématisation et la problématique qu'on a lue au tout début. C'est que si l'être humain est par nature culturel, ou en tout cas très propice à s'éloigner de la nature pour créer de la culture, comment est-ce qu'on sait, et même on est sûr, que notre vision de la nature est culturelle? On a vu un changement drastique, historique, entre une vision finaliste et mécaniste du monde et de la nature, donc on est influencé par notre culture et par cette tendance à la culture en général chez l'être humain. Le dernier texte de ce grand 2, bon, c'est pas le dernier texte du grand 2, je vous mens, mais l'un des derniers, il donne un peu des exemples plus précis sur cette idée que nous sommes culturels par nature en tant qu'être humain. C'est un texte de Merleau-Ponty, un philosophe du XXe siècle français, que les généraux ont déjà étudié, il me semble, dans l'année. Ce texte donne des exemples plus concrets de comment la culture nous influence en tant qu'être humain. Ouvrez les guillemets. Il n'est pas plus naturel ou pas moins conventionnel de crier dans la colère ou d'embrasser dans l'amour que d'appeler table une table. Les sentiments et les conduites passionnelles sont inventés comme les mots. Même ceux qui, comme la paternité, paraissent inscrits dans le corps humain sont en réalité des institutions. Il est impossible de superposer chez l'homme une première couche de comportement que l'on appellerait naturel et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire, en ce sens qu'il n'est pas un mot, pas une conduite, qui ne doive quelque chose à l'être simplement biologique, et qui en même temps ne se dérobe à la simplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales par une sorte d'échappement et par un génie de l'équivoque qui pourrait servir à définir l'homme. Alors c'est un peu compliqué les mots, j'entends le génie de l'équivoque. Ce qui est équivoque, ça s'oppose à ce qui est univoque. Univoque qui n'a qu'un seul sens, équivoque qui a plusieurs sens. Et chez l'être humain, d'après Merleau-Ponty, ce qui nous définit, c'est simplement l'idée que tout est culturel et naturel à la fois, parce que c'est nos capacités innées qui nous permettent d'acquérir, et que du coup tout se mélange. L'exemple que j'ai pris de la marche au départ fonctionne tout à fait. Merleau-Ponty dans le texte prend l'exemple de nos façons d'être affectueux, d'être en colère. Il y a des cultures, par exemple, asiatiques, où on sourit quand on est gêné. Nous, c'est l'inverse. Et sourire, c'est une capacité naturelle. C'est le contexte dans lequel on sourit qui est culturel. Vous comprenez, je pense, l'argument. Le souci, et c'est là qu'on arrive à un point très important du cours, c'est que si nous sommes des êtres de culture et de nature, des êtres naturellement culturels, alors notre vision de la nature est elle aussi culturelle. On va lire le dernier texte, là pour le coup, c'est vraiment le dernier de philosophe de ce grand 2, et après le cours sera fini, j'aurai juste quelques exemples en plus à donner pour étayer la thèse de ce dernier auteur, qui est à la fois philosophe, mais aussi éthologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie le comportement des animaux, et qui nous invite à suivre les conséquences de cette idée qu'on rabâche que l'homme est naturellement culturel, jusqu'au bout, c'est-à-dire à ne plus opposer nature et culture comme on le fait traditionnellement. Je vais lire le texte, ouvrez les guillemets. Dans la pensée occidentale, nature et culture constituent classiquement les deux termes d'une opposition fondamentale et irréductible. L'homme est par essence un animal de culture, ce qui non seulement le distingue de tout animal, mais le distingue suffisamment pour le faire sortir de l'animalité. Cette vision de l'homme est corrélative d'une façon de se représenter l'animal comme une espèce de robot autonome plus ou moins intelligent, mais fondamentalement programmé a priori. Les temps ont changé. Nous connaissons mieux les animaux grâce à l'essor prodigieux des disciplines académiques qui s'en occupent, comme l'éthologie. Je soutiens la thèse selon laquelle, loin de s'opposer à la nature, la culture est un phénomène qui est intrinsèque au vivant, dont elle constitue une niche particulière, qu'on en trouve les prémices dans les débuts de la vie animale, et que le développement de ses comportements permet de comprendre comment un authentique sujet a émergé dans l'animalité. Il ne s'agit nul naturellement pas de considérer que les animaux sont tous des espèces d'humains, une telle approche anthropomorphique a perdu toute pertinence depuis longtemps. La question est ailleurs, en particulier dans la nécessité face à laquelle nous nous trouvons désormais de devoir penser le phénomène culturel dans une perspective évolutionniste et pluraliste, et non plus poussé par la volonté de dégager le propre de l'homme une fois pour toutes. Il ne faut plus penser la culture en opposition à la nature, mais prendre conscience de la pluralité des cultures chez des créatures d'espèces très différentes. Alors, c'est un auteur du XXe siècle, il y a beaucoup de mots compliqués, je sais, je vais définir les plus importants. À un moment, il parle d'anthropomorphisme. Ça veut dire qu'on attribue à quelque chose de pas humain des caractéristiques humaines. Par exemple, si on dit « Dieu est en colère », on est en train de faire de l'anthropomorphisme, d'attribuer à quelque chose de pas humain, Dieu, une caractéristique humaine, la colère. Pensez aussi aux fables de La Fontaine, on dit que les animaux dans ces fables sont anthropomorphiques. Il dit qu'on ne peut pas considérer les animaux comme des humains, ce serait trop anthropomorphique. D'ailleurs, la vision finaliste de la nature dont on parlait avec Aristote, souvent on lui a reproché d'être anthropomorphique, de donner à la nature des objectifs comme les humains en ont aussi. Donc ça, c'est souvent un reproche qui est fait à plusieurs choses. Un autre mot important dont parle Dominique Lesta dans ce texte, c'est l'idée que la culture est un phénomène qui est intrinsèque au vivant. Intrinsèque, ça veut dire qui existe dans quelque chose, qui est lié à quelque chose et qui fait partie de la chose. C'est essentiel, quoi. Dans la chose, il y a ce truc-là. Et la culture, dit, est intrinsèque au vivant. Ça veut dire quoi ? C'est que tous les êtres vivants ont une culture et que ce n'est pas le propre de l'être humain. D'après lui, c'est trop daté historiquement et il faut dépasser cette opposition entre l'être humain qui serait un sujet et la nature qui serait un objet. En fait, en passant de la vision finaliste à la vision mécaniste du monde, on a mis de côté l'être humain raisonnable, qui lui est un être de culture, et on l'a opposé à la nature qui est remplie d'objets, de matière inerte, y compris les animaux, qui ne sont, il le dit au début, que des robots à peu près autonomes programmés a priori, c'est-à-dire, et c'est ce que dit Rousseau, c'est ce que dit Descartes, tous les philosophes modernes qui ne sont plus aristotéliciens mais qui voient la nature comme un mécanisme disent que les animaux font partie de ce mécanisme et que du coup, ils suivent leur instinct et c'est tout, il n'y a que de l'inné et pas d'acquis. C'est la perfectibilité de Rousseau que critique Dominique Lesta ici, assez clairement. Parce que pour Dominique Lesta, il n'y a pas que les êtres humains qui produisent de la culture et qui sont perfectibles, tous les êtres vivants en sont capables de produire de la culture, mais peut-être à un degré différent. Et c'est là tout le problème du cours et de la vision classique de la nature, qu'elle soit aristotélicienne ou rousseauiste, qu'on soit finaliste ou mécaniste, on a toujours tendance à isoler l'être humain et à dire qu'il est différent des autres êtres naturels parce qu'il est raisonnable. Comme si on était du coup, comme on l'a dit plein de fois, naturellement culturel, mais qu'on était les seuls. Alors que, si on suit Dominique Lesta, et là il y a une distinction importante, souvent en philo on parle de différence de degré ou de différence de nature. Une différence de degré, c'est quand deux choses sont de même nature, mais pas au même degré. Par exemple, un kebab pas bon et un kebab excellent, c'est une différence de degré entre les deux kebabs, parce que ça reste deux kebabs. Alors que un sandwich jambon-beurre et un kebab, il y a une différence de nature, parce que c'est pas les mêmes objets. Ce que nous dit Dominique Lesta, et ce qu'il nous invite à constater, c'est qu'on continue depuis des milliers d'années à s'attribuer en tant qu'être humain une place spécifique dans la nature, alors que plus la science avance, et on va prendre des exemples après, plus on constate qu'il n'y a pas entre animaux et humains, au niveau de la culture, une différence de nature, mais une différence de degré. Les êtres humains sont des êtres plus culturels que les autres êtres vivants, mais ce ne sont pas du tout les seuls êtres culturels. En fait, il n'y a pas de différence de nature entre animaux et humains, mais seulement une différence de degré. Là, vous pourrez aller voir le cours version papier où je donne des exemples de culture animale. Il y a un petit article sur la communication des primates entre eux. Et il y a aussi des exemples, il y a une population par exemple de macaques au Japon qui est la seule de l'archipel à prendre des bains dans des sources chaudes. Et si la culture, c'est uniquement un ensemble de pratiques acquises, ça veut dire que si ces macaques sont les seuls du monde à aller prendre des bains chauds, ben ça fait partie de leur culture parce que les autres macaques ne le font pas. Donc c'est plus inné, ça veut dire que c'est pas tous les macaques du monde qui vont prendre des bains chauds, ce sont ces macaques-là. Ce groupe-là précis a acquis une culture. Un comportement qu'il n'avait pas de base. Pareil, il y a un corbeau en Nouvelle-Calédonie qui, pour faire sortir les insectes logés sous l'écorce des arbres, utilise un petit bout de bois pour gratter l'écorce et ensuite sortir les insectes et les manger. Ce corbeau utilise un outil, et c'est pas un comportement inné, c'est un comportement acquis. Il y a plein d'autres exemples, j'ai mis le lien vers un article qui recense plusieurs exemples, vous pourrez le voir. Mais du coup, tout ça nous montre qu'il y a des comportements culturels chez les animaux, et que dès lors, l'opposition nature-culture, elle n'est pas du tout aussi binaire que ce qu'on peut penser. Et quelque part, ça nous arrange peut-être, en tant qu'être humain, de dire qu'on est des êtres naturellement culturels et qu'on est les seuls. Alors qu'en fait, non, on serait, si on suit le raisonnement de cet éthologue, des êtres plus culturels que les autres, mais pas les seuls. Et là, on arrive vers la toute fin du cours, vraiment, et on va encore lire un texte, j'avais oublié qu'il y en avait encore. Hein. C'est la troisième fois, j'ai dit que c'est le dernier texte. Mais si on suit la fin de notre raisonnement, et que notre culture influence notre vision de la nature, influence notre vision du reste du monde, elle influence aussi, ceci dit, notre vision des autres cultures. Et même que, parfois, l'idée, le concept de nature nous sert à dévaloriser d'autres cultures. Je vais lire un extrait de Claude Lévi-Strauss, c'est un anthropologue, il étudie comment se forment les sociétés humaines. C'est un peu comme un sociologue, mais encore avant, il étudie par exemple des tribus natives, autochtones, il les compare et ils essayent de voir, les anthropologues, s'il y a des comportements en commun au tout début des sociétés humaines. Claude Lévi-Strauss, c'est aussi un auteur du XXe siècle. J'ouvre les guillemets et je lis « Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela, etc. » Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque, puis gréco-romaine, sous le même nom de « barbare ». La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de « sauvage » dans le même sens. Or, derrière ces épithètes se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot « barbare » se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et « sauvage », qui veut dire « de la forêt », évoque aussi un genre de vie animal, par opposition à la culture humaine. Dans les deux cas, on refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle, on préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. Ici, du coup, Claude Lévi-Strauss prend l'exemple de deux termes assez péjoratif, sauvage et barbare, et explique d'où ils viennent. Barbare, du coup, c'est une sorte d'onomatopée que les Grecs et les Romains employaient pour désigner ceux qui ne parlaient pas grec ou romain. Parce que pour eux, ce qu'ils entendaient, c'était barbare, barbare, barbare. Un peu comme le chant des oiseaux, en langage inarticulé. Une absence de logos, si on se souvient du texte d'Aristote. Et sauvage, ça veut dire de la forêt, qui du coup n'est pas humain. Naturel. Donc en fait, très souvent, on utilise la nature pour rejeter d'autres cultures, pour dire « ça, c'est pas civilisé, ça. C'est de la nature, c'est des animaux, c'est des sauvages. » Et du coup, ce réflexe, cette façon de faire, cet ethnocentrisme, on pourrait dire ça, c'est-à-dire que, pour le coup, anthropomorphique, on transforme autre chose en humain, ethnocentrique, on est centré sur notre ethnie et on n'arrive pas à envisager qu'il y ait d'autres façons, d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Dans ces cas-là, nous dit Lévi-Strauss, on les renvoie à la nature, on nie que c'est de la culture, on les déshumanise, en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, on les déshumanise. Et ce que reproche Lévi-Strauss, cette utilisation de la nature comme refus d'une autre culture, comme preuve d'un ethnocentrisme, du fait qu'on soit capable d'accepter que la culture dans laquelle on vit, donc là c'est plus culture, je l'ai pas dit, mais au sens extrêmement large de toute création humaine, mais plutôt culture au sens de culture particulière, telle ou telle organisation humaine avec ses coutumes, ses rites, etc. Eh bien, Lévi-Strauss décrit comment on peut utiliser la nature pour rejeter d'autres cultures, mais on peut aussi, et là on s'éloigne un peu, mais je pense que même si c'est pas ce que dit Lévi-Strauss, c'est une autre utilisation de la nature en tant qu'arme, c'est l'idée de contre-nature, de dire ceci n'est pas naturel. Je l'ai pas mis dans le podcast, je vous l'ai pas dit à vous qui m'écoutez, mais je l'ai écrit dans le cours papier, le mot naturel est très compliqué, parce qu'il peut vouloir dire instinctif, inné et aussi normal. Normal, c'est un mot encore plus compliqué, parce qu'il veut dire à la fois fréquent, qui arrive souvent, mais aussi qui correspond à la norme. Et une norme, on l'a déjà vu, une norme, c'est pas un fait. Un fait, c'est quelque chose qui est, une norme, c'est quelque chose qui devrait être. Du coup, quand on dit c'est normal, on dit c'est comme ça que ça doit se passer. Et souvent, quand on dit contre nature, ou c'est pas naturel, on a en fait tendance à dire ce n'est pas une norme que je reconnais comme étant valable. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la nature. Demandez aux gens qui disent que quelque chose est contre nature, s'ils sont aristotéliciens et s'ils pensent qu'il y a un cosmos et un ordre qui régit l'univers, je pense pas. Tout le monde a fait des cours de physique et a appris la cinétique et la dynamique. Et du coup, dans nos têtes d'hommes et femmes du XXIe siècle, nature, c'est inerte. Pourtant, contre nature, ça implique qu'on va à l'encontre de l'ordre naturel, quelque chose qui est très abstrait, est très daté historiquement. On va prendre un exemple, on va parler du sexe et du genre et d'études qui ont été faites à ce sujet-là pour voir à quel point la confusion peut être utilisée presque comme une arme et que le mot naturel, dans certains cas, c'est plus une critique voilée qu'une vraie description factuelle de ce qui est naturel ou ce qui n'est pas naturel. Alors, il y a des petits extraits de textes dans le cours que je ne vais pas lire parce que j'en ai marre de dire que c'est le dernier texte, mais vous pourrez aller les voir. Je vais vous résumer un petit peu ces idées-là. On commence par la définition que vous avez dû voir en SVT entre sexe et genre. Le sexe, c'est biologique. Le genre, c'est culturel, c'est social. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, dès qu'on est, on associe à notre sexe des caractéristiques culturelles. Le plus basique, c'est, je sais pas, les garçons aiment le foot et le bleu, et les filles aiment la dinette et le rose. Évidemment, on n'en est plus là en 2026, mais ça vous montre à quel point déjà on est, dès notre naissance, voilà, c'est plus clair comme ça, dès notre naissance, on est pris dans la culture, à minute 1, une caractéristique innée est entourée et directement interprétée de façon culturelle. Là, ça rejoint clairement le texte de Merleau-Ponty. Cela va même plus loin et ça influence notre vision de comportement inné. Parce qu'il y a une étude, vous verrez, j'ai mis le lien dans le cours version papier, qui indique qu'à 3 mois, les cris des bébés, filles ou garçons, sont identiques en point de vue acoustique. Et que pourtant, si on demande à des gens de distinguer, comparer, écouter des cris de petites filles et de petits garçons, de nourrissons, on considère toujours, dans les groupes qu'on est testés, que le cri, les pleurs de filles sont plus aigus. Ce qui est faux, objectivement. Du coup, ça nous pousse à interpréter différemment la culture, des phénomènes naturels. Et ça, évidemment, je ne vais rien vous apprendre, influence ensuite la socialisation. On pourrait prendre beaucoup plus d'exemples. Ces remarques sur la différence culturelle, donc entre les genres, parce qu'on interprète et associe des caractéristiques sociales à des données biologiques, le sexe, elles peuvent même être poussées pas seulement au niveau individuel ou culturel actuel, mais développées sur toute l'évolution de l'espèce humaine, et c'est ce qu'a fait plusieurs autrices. Je vous ai mis encore une fois des extraits de textes dans le cours que je vous invite à lire, c'est assez intéressant, c'est des travaux assez récents, qui s'inspirent d'une anthropologue française, Françoise Héritier, très réputée, qui travaillait justement sur la différence entre les sexes et les genres, au niveau anthropologique, un peu comme Claude Lévi-Strauss du coup. Et certaines études historiques à très très long terme montrent qu'en fait, le rapport entre les genres, la hiérarchie hommes et femmes, a beaucoup évolué historiquement, et ça nous souligne encore à quel point les relations entre nature et culture chez les êtres humains sont très complexes, sont des maillages, et en fait, sont interdépendantes, s'influencent l'une et l'autre, parce que au départ, puisque les femmes étaient capables de donner la vie biologiquement, elles ont été divinisées. Pensez à la mère nature, etc., ou au statut de fertilité très ancienne dans des cultures qui remontent à des milliers d'années. C'était mystérieux, le fait de donner la vie, et du coup, ça attribuait aux femmes un certain pouvoir et un respect immense. Il y avait du coup, au tout début, une autorité symétrique entre hommes et femmes dans les premières sociétés, qui a ensuite commencé à s'inverser lorsque l'agriculture et l'élevage ont commencé à se développer et où on s'est rendu compte que le sperme jouait un rôle dans la reproduction et où on a commencé, en Occident par exemple, à considérer que les femmes étaient un réceptacle passif alors que les hommes amenaient du coup la semence et étaient actifs dans la reproduction. Mais vous constatez, et vous verrez les extraits de texte que j'ai mis, que ça change, que c'est fluctuant, que en fait l'essence de l'être humain étant, si on en conclut ce qu'on en conclut, naturellement culturel, culturellement naturel comme on veut, les deux sont pas du tout dépendants, l'un dépend de l'autre et n'est pas absolu, n'est que relatif. Et que dès lors, l'essentialisation, dire les hommes c'est comme ci, les femmes c'est comme ça, ça a toujours un intérêt politique quelconque. Et même, on peut aller plus loin, ça c'est une thèse assez récente aussi d'une des élèves de Françoise Héritier, qui indique que la hiérarchie entre hommes et femmes a peut-être au niveau évolutionniste, donc si on prend en compte la théorie de l'évolution de Darwin et l'adaptation au milieu, peut-être que le fait que les femmes soient moins musclées, moins grandes que les hommes, pourrait s'expliquer par le fait que pendant très longtemps, elles ont été privées de ressources nutritives à cause de la hiérarchie des genres qui avait été instituée depuis très longtemps et que sur des milliers d'années, ça peut peut-être participer à expliquer même des différences biologiques qu'on constate aujourd'hui. Vous verrez, encore une fois, j'ai mis des extraits, si ça vous intéresse, et les références. Tout ça pour dire, quand quelqu'un vous dit que quelque chose est contre nature, ça a été le cas du président Donald Trump en 2025, lors de son discours d'investiture à la Maison-Blanche, il a expliqué que les transitions de genre étaient contre nature. Réfléchissez deux secondes en bon philosophe, c'est ridicule ce qu'il dit. Passer d'un genre à l'autre, c'est changer une caractéristique culturelle pour une autre. Donc c'est faire culture 1 vers culture 2. Il n'y a rien de contre-nature là-dedans. Ça vous montre bien à quel point le concept de nature peut être très vite une arme et en fait être une attaque, une sorte de refus de telle ou telle chose qui ne porte pas son nom. Contre-nature en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose et c'est souvent employé à des fins d'attaque et de polémique plutôt que de description factuelle de ce qui serait la nature. C'est un exemple très parlant, je pense. Et ça nous amène à la conclusion de ce cours. Bravo à tous, bravo à toutes. On a réussi. Évidemment, il manque un grand 3 assez important qu'on ne va pas faire ici parce que ça fait déjà une heure. Sachez que normalement ce cours faisait 1h40 et que j'ai tout réenregistré pour vous épargner des longueurs et essayer d'être plus efficace. J'espère que c'est pas trop dense, j'espère que c'était intéressant. Mon conseil c'est d'écouter le podcast et ensuite un peu plus tard de relire le cours en papier. En tout cas la conclusion et ce qui manque en guise de grand 3 c'est une fois qu'on sait, enfin qu'on sait, qu'on a une idée un peu plus claire de ce qu'est la nature pour nous humains, d'à quel point il y a une dimension culturelle à la notion même de nature, il faut penser à comment notre façon de penser la nature va modifier notre rapport avec la nature. On l'a déjà un peu évoqué avec les exemples là, ici du sexe et du genre, mais évidemment, la façon dont on traite la nature est aussi très importante, y compris par exemple les animaux ou même la nature en tant que ressource. Et vous voyez, le mot ressource naturelle est très... Alors, j'allais dire inquiétant. Il l'est parce que, bon, bah, vous savez ce qui se passe en termes écologiques, mais on peut exploiter la nature si on considère que l'être humain a une place spécifique et qu'il n'y est pas soumis, qu'il ne fait pas partie d'un grand tout, d'un cosmos, etc. Et que la nature n'est que de la matière inerte. Et que l'être humain est le seul sujet naturel qui existe au milieu d'autres objets qui n'ont pas à être considérés de la même façon que des humains. Donc vous pouvez peut-être imaginer toutes les conséquences qu'implique un changement de modèle sur ce qu'est la nature, et j'espère que nous aurons le temps, et je ferai attention à ce qu'on puisse au moins en partie l'évoquer quand on parlera du chapitre sur la technique, puisque le rapport à la nature et l'exploitation de la nature se fait grâce à des outils et des machines, etc., etc. Donc on pourra en parler à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Enfin, ça vous a plu. Je m'emballe. J'espère que c'était pas trop douloureux. Voilà, c'est ça le bon terme, la bonne formule. Et que vous n'hésiterez pas si des choses ne sont pas claires. Au revoir.